Pure Tracks. dans Pure Tracks pour le Fuse et les Fuse Files. Vous écoutez un DJ set du DJ résident mensuel du Fuse, Peter Van Hoosen. We'll be right back. things and expect change. They sing the same songs, throw the same stones down the same road and see the same people and expect change. People eat the same food and jump out of the same aeroplane and shoot the same guy they shot last week and their dreams and nightmares and expect change. Change is a construct, it's an institution you are institutionalized into to find change. But it's all the same. écoutez Pure Trax. We'll be right back. Et voilà, c'était un DJ set du DJ résident du Fuse, mais mensuel, Peter Van Hoosen. Alors, si vous sortez ce soir, bien sûr, vous n'oubliez pas de désigner le bob ou la bobette. Fille ou garçon, vous prenez votre stock de préservatifs, sans oublier que les boîtes, ça conserve. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi, pour une heure, avec juste Pure FM Reloaded, puisqu'après ça, on sera en direct du festival de Bourges. Rendez-vous également le samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.